La vie meurtrière, chapitre 2, 9e partie. C'était un excellent garçon, un peu fruste, mais loyal et très au fait de son métier. Je l'avais connu jadis, lorsque, étudiant tous deux, les habitudes de vie et la médiocrité de nos moyens nous ramenaient aux mêmes heures à la table des crèmeries et dans les bibliothèques. Depuis, nous nous étions revus incidemment et, pour n'être pas ce qu'on appelle amis, restions néanmoins dans les meilleurs termes. J'avais donc pensé à lui pour mon cas, et il me soignait avec autant de minutie que de bonne humeur encourageante. Je le trouvais sur la porte. Il me proposa de lui faire un bout de conduite, et j'acceptai. « Eh bien, ça marche ? » dit-il. « Parfaitement. Rien de neuf, pas d'accroc. Pas le moindre. Vous voyez, ça va tout seul. Manière de parler. » Un petit mois de sagesse, qu'est-ce que c'est dans l'existence? Et puis, tout le monde y passe, consolez-vous. Et les femmes? Les femmes aussi, faut bien. C'est plus grave pour elles? Bien soignées, non? Et pas soignées? Oh, ça l'affaire. Tenez, j'ai justement vu hier à l'hôpital une petite lingère de 22 ans qui est en train d'en claquer. Blénorragie, métrite, salpingite double, péritonite, toute la lyre, quoi. 39,7 de température, impossible d'intervenir. Non. Sans compter que les opérations ratent la moitié du temps. Vous parlez sérieusement? Tout ce qu'il y a de plus? Que voulez-vous? Il y a tant de gens qui ont peur du médecin et qui, par timidité, honte ou je ne sais quoi, préfèrent se droguer eux-mêmes. Les femmes du monde, par exemple. D'abord, les trois quarts ne savent pas ce qui leur arrive. Elles croient à une petite incommodité passagère, un bobo, et prennent des saletés pour finalement nous appeler, quand elles nous appellent, alors qu'il est trop tard. Mais les maris, s'ils sont fautifs, ça s'arrange tout seul. Ils ont 36 moyens d'expliquer la chose. Et si le mal vient d'ailleurs, ils n'y voient que du feu. Les femmes sont si malignes. Je parle de celles qui sont au courant, bien entendu. On fait tout avaler à un mari, mon cher. Sans compter que nous aidons aussi un peu, nous autres, si besoin est. Vous me stupéfiez. Encore, avec elles, on sait où on va. Ce sont les bons cas. Mais les autres, les novices. Bien rare que faisant tout juste ce qu'il ne faut pas, ou ne faisant rien, elles ne payent dans les grands prix. Les soins sont donc bien compliqués? Nullement. Antisepsie et repos, mais repos absolu. Vous connaissez un cas? Du tout. À l'occasion, usez de moi. Je vous remercie. Une visite? Dis-je, le voyant s'arrêter à une porte. Deux mots en passant. Vous m'attendez? Oh non. Alors, un de ces jours prochains, sans doute. Un de ces jours. Je me revis seul. Mon cœur affolé tapait dans ma poitrine comme un poing. Que faire? Je pris un fort cachet de valérianate, me jetai sur mon lit et dormis la nuit pleine d'un sommeil de bœuf. Entrant chez elle le jour d'après, je la vis chapeautée et prête à sortir. Ma stupeur fut telle qu'elle éclata de rire. « Oui, j'en ai assez de paraisser chez moi. J'ai 1000 courses en retard. Je veux marcher un peu. »« Vous ne ferez pas cela. »« Et pourquoi ? C'est très mauvais. »« Bah, dans votre état, songez-y. »« Mon état ? Mais je suis très bien portante. »« Et si quelque chose peut m'être mauvais, c'est précisément l'immobilité continue. »« Vous prendrez une voiture, je pense. »« Jamais de la vie. »« Non, mais qu'est-ce qui vous prend ? » J'aurais voulu vous voir garder la chambre encore un jour ou deux. Vous en avez de bonnes. C'est bien plutôt vous qui devriez vous coucher. Vous n'avez plus de figure. Je suis sûre que vous travaillez trop. Je ne fais rien. Dites, c'est convenu? Quoi? La voiture. Vous y tenez? Je vous en prie. Alors j'obéis. Accompagnez-moi jusqu'à la station. Nous ferons quelques pas. Volontiers. Nous descendîmes. À la dernière marche, elle fit un faux pas. Ses sourcils se contractèrent, mais ce ne fut qu'un éclair. Elle se moqua de sa maladresse. « Oh, maudite Europe qui vous empêtre! Vous vous êtes fait mal? Mon pauvre ami, vous me croyez donc bien bas? Promettez-moi d'être prudente. Oui, de ne pas quitter la voiture. Oui, même pour une minute. Oui, jurez. Oui, vous êtes étonnants tous les deux. Tantôt déjà, j'ai dû me disputer avec Fortuné. Lui, c'est le contraire, il veut que je marche. Et puis, ne parlait-il pas de faire chercher le médecin? Je vous demande un peu. Oh, ça, c'est inutile. Plutôt. D'abord, les médecins n'y connaissent rien. Et puis, ils vous inventent toujours des maladies extraordinaires. Le repos, croyez-moi, tout est là. Je ne bouge pas depuis une semaine. Eh bien, continuez. Entendu. À présent, quand vous voit-on? Demain, je vais à Saint-Germain. Jeudi, je dîne en ville. Vendredi, nous avons du monde. Votre ami Gessène en sera. Une occasion. Je préfère autre chose. Samedi, alors? Samedi. Un fiacre errait. Sur un signe, le cocher rangea le trottoir. Installée, elle donna l'adresse et le véhicule s'ébranla. Je suivis du regard les trois plumes, osciller tant que je l'ai pu voir. Puis un tramway surgit, bouchant l'horizon. Après lui, rien ne restait qu'un grouillis noir d'indifférents. N'ayant pas ainsi prévu ma journée, j'hésitais sur la suite quand un aboi lamentable me fit sursauter. Un objet mou roula dans mes jambes et je vis un chien qui s'échouait là, les reins brisés par quelques roues. Je me penchai, voulant le secourir. Il fit un deuxième hurlement, si lugubre, que j'en frissonnai. « En voilà un qui gueule à la mort !» dit une voix. Je regardai l'homme, stupide. Il remua du pied la bête, dont les pattes raidissaient. « Foutu !» ajouta-t-il. Puis il passa. Il n'en fallut pas davantage pour que je courusse m'enfermer chez moi. J'y grelottai d'une forte fièvre tout le reste du jour. Ici commence l'épilogue de ce drame. Je passe sur les entretemps et laisse de côté sans détail. Le fait suffit. Ce qu'on va lire est un procès-verbal. Le samedi, je reconnus dans le vestibule le chapeau de Montessac et sa canne. Un fait aussi exceptionnel à pareille heure me frappa. J'en fis la remarque à Évelyne, la femme de chambre. « Madame est très peu bien, et monsieur reste pour la soigner. Qu'a-t-elle ? On ne sait pas. Madame est rentrée mardi, presque évanouie. Il paraît que sa voiture a été culbutée par un omnibus. » Blessé? Extérieurement, non. Pourrais-je la voir? Je ne sais pas. Monsieur veut-il entrer? Je pénétrai dans le salon. Il était morne et sans fleurs. Je ne le reconnus pas. Le tic-tac de la pendule grignotait seul dans la vaste pièce, pareil à un bruit de souris. L'air datait de 3 jours, et je vis de la poussière sur un guéridon. Inerte et la cervelle cotonneuse, je m'assis dans un coin. Des bruits étouffés de portes fermées et des frôlements mous filtraient à travers les murs. Je me souvins d'une antichambre de juge d'instruction jadis traversée au palais, aussi de certaines séances d'attente chez le dentiste. J'essayai de penser, ne le pus, et sentis, mais bien nettement cette fois, que ma vie était faite, et qu'aucune joie, plus jamais, n'y pourrait refleurir. Des pas se rapprochèrent, et Montessac entra. Je levai les yeux sur lui, son aspect ravagé me fit peur. « Ah, mon cher, dit-il en s'approchant les mains tendues, cette pauvre Marthe. Eh bien, un accident de voiture, mardi. Evelyne m'a dit, mais pas grave. Est-ce qu'on sait? Elle souffre? Beaucoup. Et le docteur? Il ne se prononce pas. Lésions internes, dit-il. Comment ça s'est-il passé? Elle avait un mot à dire à un fournisseur. Au lieu de descendre, elle a appelé le commis pour lui parler de la portière. C'est à ce moment juste qu'un omnibus a bousculé son fiacre et l'a jeté bas. Quelle horrible chose! Moi qui l'avais supplié de marcher, pensez donc, il faisait si beau. Que ne m'a-t-elle obéi, la malheureuse? Elle n'en serait pas là. La voiture! Je me souvins de mon insistance et du serment exigé. J'y reconnus ma marque et mon espoir tomba tout entier, d'un seul coup, comme un moellon qui se détache. Fatalité. N'est-ce pas? Dit Montessac en s'essuyant les yeux. Il faut croire que j'avais parlé haut. Nous nous regardâmes et je compris sa détresse totale. Il ployait sur ses genoux. Il avait le teint jaune, les yeux bouffis, et ses lèvres tremblaient gauchement sous les poils d'une moustache négligée. Le Montessac vainqueur et beau garçon s'effondrait en une manière de vieillard. Des larmes brouillèrent mes prunelles. « Mon pauvre ami, oui, vous êtes bon. Ah, c'est à ces moments-là, voyez-vous, qu'on se reproche et qu'on souffre d'avoir si mal aimé. Je vais lui dire que vous êtes là, mais je ne promets rien. » Il sortit et je me retrouvai dans le silence froid. Le jour baissait et les hauts murs tendus de soie bise prenaient une couleur austère. J'en fis le tour lentement et leur dis adieu, car mon existence atteignait son fête, là, dans cet intérieur où j'avais si passionnément vécu. Je donnai un dernier regard à tant d'objets saturés encore de sa personne, et, par eux, la résolution suprême m'entra dans tous les pores à la fois. Après, ce furent tout de suite un grand bien-être et le repos. « La fièvre augmente, » dit Montessac, rentrant sur ses pointes. « Il vaut mieux la laisser. »« C'est elle que je suis venue ?»« Oui, elle vous prie de ne pas vous inquiéter. »« Vous lui avez bien dit, n'est-ce pas, le désespoir que j'ai ?»« Elle vous connaît. Si vous aviez vu sa bonne figure lorsque j'ai prononcé votre nom, elle essayait de sourire. « Rassure-le bien, surtout, » disait-elle. Je n'en pouvais supporter plus. Aussi bien devais-je importuner ce malheureux dont la pensée était ailleurs. Je le quittai donc et descendis rue de Verneuil en traversant le jardin du Luxembourg. À la porte, une pauvresse m'offrit un mauvais bouquet. L'esprit bien loin de terre, je passai sans la voir. Elle me poursuivit en insistant. « 4 sous, monsieur, pour me porter bonheur. » Bonheur, le mot tombait si juste qu'il m'arrêta. Elle, se méprenant, tâtait ma boutonnière et son contact me fit reculer. « Touchez pas !» lui criai-je. « Vous voyez bien que je porte la mort !» Elle me crut fou, sans doute. Et jamais, cependant, je ne fus plus lucide. Cette demi-heure m'avait transformé. Ici, d'extérieur, je restais à peu près pareil. La certitude de n'être bientôt plus m'avait moralement grandi. J'étais calme et marchais d'un pas solide, bien droit au milieu de ma route. Rien de visible ne m'échappa le long du parcours. Je notai dans ses moindres nuances le charme du grand ciel endolori. Je goûtai le paysage et maudis une fois de plus tant de statues malencontreuses et disparates. Près du bassin, je me garai d'un cerceau. Plus loin, je reconnus et saluai des gens. Il semblait, ce soir-là, que le jour partît à regret et que sa suprême coquetterie fut de ne se point presser. L'heure était idéale et je la ressentis pleinement. Des lambeaux dorés traînaient encore aux endroits découverts où, tapant sur quelque socle, trouait d'un éclat blanc le mur alourdi des frondaisons. Dans l'air, pas un souffle. Les grands arbres amis de Watteau rythmaient des profils ancestraux et figés. Le jet d'eau retombait vertical. Or, la grande rumeur, qui semble la respiration même des choses et les contient toutes, nul bruit, sauf la sifflet d'un vol d'hirondelles, coupant le décor d'un trait brusque et sans choix. Ainsi, parfois, un enfant gâche de sa plume et balafre un dessin. Déjà les gardiens, pressés d'en finir, secouaient leurs clés en signe d'invite au départ. Diligente, la préposée ramassait ses chaises et les entassait. Une demie sonna. Trois gros pigeons, réveillés au faîte de l'horloge, en jaillirent pesamment, firent quelques tours ahuris, puis se posèrent de nouveau, de profil. J'allais ainsi, semblable à chacun, et ma résolution, bien assise au fond de ma volonté, n'y bougeait plus. C'était un bien personnel, un bien acquis, dont je portais le poids avec fierté. Seul de tous, en effet, je tenais les deux bouts de mon histoire. Mais, pour misérable qu'elle fût, elle n'était pas commune. Je perdais la partie, c'est vrai, mais serais beau joueur. Certes, je ne crois pas que jamais homme vécût une existence plus fatale et douloureuse, et de vouloir clore la mienne s'imposer. Ce n'est donc point à discuter la chose que je perdis mon temps. À 28 ans, la mort s'accepte et l'on fait bon marché de jours si mal employés. Mais, tout de même, l'avoir décidé, cette mort, à moi seul, et en accepter ainsi l'échéance, par un si beau soir, me paraissait un acte supérieur, un acte digne de racheter le reste. Et, qui sait, d'auréoler peut-être mon nom si malfaisant d'un rayon de prestige. Voilà, tandis que le sable des allées criait sous mon talon, les désordres dans quoi se diluait ma pensée. En fus-je bien responsable? J'en doute. Et puis, qu'importe. Je rentrai donc, afin de songer dans le calme à la réalisation de mon projet. Il semblait que je le dusse exécuter dans les 5 minutes, mais je n'étais point un homme d'exécution rapide, oh non. Je fis pourtant l'examen de mes affaires. Elles étaient fort simples. Ma fortune, tant valeur que numéraire, était là sous ma main, et l'attribution n'en serait pas difficile. Seul de mon nom, le tout retournerait à la masse, et je ne léserais personne. Je pris, pour marquer ma résolution, une feuille du plus beau papier, et y écrivis ce mot, d'un trait, testament. Après quoi je restai, la plume en l'air, inapte à trouver le préambule. Je fis plusieurs brouillons, aucun ne me satisfit. J'aurais voulu, sans choir dans l'oraison, trouver un début représentatif de cet instant auguste, mais rien ne vint. Ma pauvre cervelle et mon cœur aussi là se refusèrent, et ma plume orna la page d'arabesques et de gribouillis sans à propos. J'ajournai donc par force le morceau et passai à l'histoire générale de la sculpture française. Le pauvre manuscrit était bien mince, et pour cause. Mais j'avais dans mes notes les éléments nécessaires à le continuer. Je le parcourus en guise d'adieu. Tout cela me parut lointain. Toutefois, une phrase heureuse par-ci, une comparaison juste par-là, m'aguichèrent, puis l'intérêt se déclencha. La lampe allumée, je m'installai, et j'en fis tant que j'oubliai d'aller dîner. Cette reprise de contact me fut salutaire. Elle m'éclaira sur mes devoirs, qui étaient de tenir mes engagements envers Danval et envers le Parthenon. À cela, au moins, je ne ferai pas tort, et je partirai après le point final, la conscience nette. Ce ne serait d'ailleurs pas long. Je songeai aussi à Darnac, et l'évocation de cette amitié gâchée compléta le bilan de ce triste jour. Terré dans sa province, il ne se manifestait guère, mais le ton de ma dernière lettre n'était pas pour qu'il se précipitât. Certes, je l'aimais beaucoup, mais j'eusse été malhabile à des protestations, elles me fussent restées sur la langue. Aussi ne lui en fis-je jamais aucune. Seulement, je crois qu'il ne s'y méprit pas, et que sa délicatesse perçut combien ma gêne cachait des lents timorés. Je n'eus pas le courage de lui écrire, mais je lui vouai un souvenir ému. À toutes les autres, j'ajoutai la silhouette de cet homme droit, dont je n'avais rien su faire. Au moins celui-là vivait-il. Des conclusions bien propres à ma nature, et tant d'expériences sanctionnées, m'interdisait de croire que l'accident de Madame Montessac pût être bénin. Je n'en envisageais même pas la possibilité, et je la jugeais si bien condamnée que j'en portais, pour ainsi dire, le deuil anticipé. Ce fut donc avec un visage de circonstance que je me présentai le jour d'après. Je fus reçu par Montessac. Et mon air était si lugubre qu'il s'en inquiéta. « Vous êtes malade, cher ami ?» me dit-il. « Non, et elle ?»« Plutôt mieux, la nuit n'a pas été mauvaise. » « Ah ! » Il y eut presque de la surprise dans mon interjection, car je m'attendais au pire. Ce sentiment n'échappa pas à Montessac, mais il l'a pris au sens favorable. La pauvre n'est guère brillante, mais il y a progrès. Voulez-vous la voir ? J'ai peur de la fatiguer, dis-je, étreint de je ne sais quelle terreur lâche. Elle vous attend. Venez par ici. Nous passâmes dans sa chambre, et la première chose que j'aperçus fut la masse noire de ses cheveux sur l'oreiller. À notre vue, ses yeux s'entr'ouvrirent. Elle tenta un geste. Montessac se précipita. « Tu es folle, chérie. Et le docteur ?» Docilement, elle céda. Le beau masque pâli reprit sa place. Parmi les ondes dénouées, elle eut un sourire à mon adresse. « Vous voyez comme on me traite. Bonjour, ami. » Je pris sa main, pauvre petit objet transparent, et couleur d'ivoire que les veines sillonnaient en bleu d'un relief élastique. Je la pressai doucement, sans parler. Mes lèvres étaient sèches et je souffris, pendant cette minute, à l'infini. Je suis heureuse de vous voir. Je ne pus répondre. Cependant, à mes larmes prêtes à jaillir, elle devina l'immensité de ma douleur. « Allons, allons, » dit-elle. Puis, comme un gros sanglot me secouait, elle ajouta « Je suis jolie, hein ?» J'ébauchai le mouvement d'attirer à moi cette tête adorée, mais elle me retint d'un écart doux. « Où en est votre livre ?» Il s'agissait bien de mon livre, mais c'était un dérivatif. Je viens d'entamer le 16e. Vous êtes content? Oui. Je me réjouis tant de le lire. J'espère que ce sera bientôt. Quelques semaines. Pour ma convalescence, alors? Oui, pour votre convalescence. Je vous le promets. Elle ferma doucement ses paupières et répéta, très bas, ma convalescence. Tu sais, dit Montessac qui couvait le dialogue, défense de parler. Qu'importe maintenant. Votre mari a raison, fis-je à mon tour. Je m'en vais. Et je me levai. Une femme malade, triste chose, pas vrai? Au revoir. Au revoir. Elle me tendit de nouveau sa main, si légère, que je n'en sentis pas le poids. Je baisai cette main de tout mon être et la reposai sur le drap. Elle s'y ramassa, pareille à un tout petit animal frileux, et ne bougea plus. « J'espère que vous aurez une bonne nuit, » bredouillai-je. « Merci. » Ensuite, elle abaissa ses paupières. Le regard éteint, son visage prit une rigueur tragique. Il était comme délavé, très mat, et des ombres dures le déformaient de modelés barbares, aux tempes, aux joues et sous le menton. La bouche était distendue, et les lèvres mal closes semblaient adhérer aux dents. Je la vis respirer avec effort, et tout un jeu de cordes molles ondula dans l'ombre de son cou. Elle toussa, rouvrit les yeux, et, de ce peu de vie qui en coula, parut se ranimer. « À demain, à demain. » Je sortis, titubant et guidé par Montessac, qui m'évitait les angles du couloir. Dans le vestibule, il m'arrêta. « Comment la trouvez-vous ? » « Mieux que je ne pensais, n'est-ce pas ? » « Et que dit le docteur ? » « Il prétend qu'à lui seul, l'accident de voiture n'aurait pas d'exceptionnelle gravité, mais que l'état général de Marthe, très affaibli depuis plusieurs jours, pourrait rendre la guérison difficile. » « Ah ! » Ce que nous avions tous pris pour un malaise sans importance était en réalité une affection interne des plus sérieuses. Certains organes seraient complètement infectés. Ah ! Il a même parlé d'opération. Ah ! Mais je n'en ai rien dit à Marthe. Vous avez confiance en ce docteur ? Oui, absolue. Et vous, votre impression ? Excellente, excellente. Tant mieux. Vous me faites du bien. Mon ami mourut le jeudi suivant, soit exactement 6 jours après cette visite, et ces 6 jours furent atroces, car, après l'avoir déclaré inutile, puis indispensable, puis avoir ajourné, le docteur décida brusquement d'opérer et le fit à la hâte, in extremis, de sorte que la malheureuse n'y survécut guère. Je n'étais pas présent, bien entendu, mais j'arrivais pour relever Montessac, écroulé sur le tapis. Il y avait là sa sœur à elle, la garde et une autre parente. Tous sanglotaient et se gênaient dans cette pièce trop remplie et chargée d'odeurs pharmaceutiques. La nouvelle ne me frappa pas. J'étais enlisé dans une sorte d'horreur molle et ne percevais plus rien qu'amorti. Je ne pleurai pas, me rendis même utile et trouvai un mot possible pour chacun. Elle reposait, si pâle, que son visage pacifié se nuançait à peine de la blancheur du drap. Et jamais ne fut plus radieusement belle. Ses traits étaient calmes, et ses lèvres, hier encore retordues par la souffrance, se joignaient en leur rythme splendide et naturel. On l'avait coiffée, et son front découvert s'épandait, harmonieux, entre les volutes noires de ses tresses et l'arc rigide des sourcils. le globe des yeux bombé sous les paupières closes, un peu bleuie, et sa narine avait le joli dessin, la délicatesse menue et ferme des meilleurs jours. Cet être d'intelligence et de sensibilité qui eût pu commander ma vie et déchaîner toutes les forces de mon corps, gisait inerte dans le grand sommeil. Je remplis ma mémoire de sa forme, et, sur les doigts polis, mit un religieux baiser de fiançailles. Ensuite, après de vagues paroles que je n'entendis pas, je m'en allai le long des murs, le cœur gelé. Chez ma concierge, on me remit quelques lettres. Je les lus dans l'escalier sans y trouver de sens, car les mots ne m'atteignaient plus. Une cependant me frappa. Elle venait d'Allemagne, et l'on m'y proposait une entente au sujet de la traduction de mes ouvrages. Si obscure et croupissante que fût ma volonté, j'y répondis, et, sous prétexte d'un engagement déjà pris, refusai tout pour parler. En datant, je vis que nous étions à la veille du terme. Je préparai l'argent et écrivis au propriétaire pour donner congé de mon appartement, puis je mis un peu d'ordre sur ma table, rangeai quelques papiers. Je fis tout cela sans hâte, avec la précision méticuleuse qu'ont les somnambules, et n'éprouvai nul embarras. J'allais aux choses à coup sûr et les trouvai, sans les chercher, chacune à sa place. Mais la perception des sons était abolie. Je n'entendais pas le bruit que je faisais, mes heures étaient mous, et je marchais dans de la laine. Je ne me doutais du bruit d'un verre qu'en en voyant les éclats sur le plancher. Je poursuivis ces divers rangements le jour d'après et ne reparus avenue de l'observatoire que le surlendemain pour les funérailles. Le salon regorgeait de monde et Montessac, debout à l'entrée, saluait indistinctement et prenait toutes les mains. Je lui dis je ne sais quoi et le laissai à ses devoirs. Il pleurait et son mouchoir ne quittait guère ses yeux rougis et boursouflés. Les miens restèrent secs. Enfin, les apprêts terminés, le convoi se mit en route. Je le suivis dans un tas d'inconnus. On s'en allait à Montparnasse et mes jambes m'y portèrent jusqu'au bout. Soudain, le char s'arrêta. L'esprit ailleurs, je ne sus me retenir et donnai dans le dos du monsieur qui me précédait. Il se retourna, je ne le connaissais pas, et dut lui bredouiller quelque informe réparation. Après, je vis mettre la bière en terre. Les hommes apportaient à cette besogne pourtant sue une diligence trop intéressée et maladroite. Et, comme du soleil tombait une lumière toute blanche, leur silhouette s'enlevait avec un relief dur, dont la violence me choqua. Toujours plongé dans ma torpeur, je continuais à ne pas entendre, et le silence de cette agitation macabre lui donnait une apparence irréelle de cauchemar. Puis le reste se fit selon l'usage. J'imitai les autres et ma poignée de sable tomba sur le cercueil, la dernière en un petit tas grêle à côté du cœur. La suite se perd dans un brouillard dont rien n'émerge. Je rentrai seul et personne, que je sache, ne me parla. Mon logis, les êtres et tout le quartier m'étant devenus odieux, je quittai peu de jours après la rue de Verneuil et m'enfuis à l'opposé, rue des Vignes, à Passy. J'y louai trois pièces banales et j'y achevai mes travaux. Entre-temps, j'écrivis ce récit. Maintenant, la tâche est accomplie. Matière comme elle, je vais pouvoir, enfin inoffensif et maté, rentrer dans l'ordre immuable et serein qui gouverne les corps, les mêle, les neutralise, les fixe ou les distribue, avec impartialité, selon les lois de la chimie et de la pesanteur.